Metal Express avec Eric. Plein les oreilles, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Eric avec vous donc dans le Metal Express et ce soir donc c'est le spécial le Metal 80 comme chaque premier lundi du mois. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et je vous en remercie à l'avance. Radio Heavy Metal c'est le https://radioheavymetal.site. Il y a les applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. Il y a également nos réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Nous allons commencer donc cette émission spéciale le Metal 80 avec un groupe français, il s'agit de Présence. Ce morceau donc est une reprise de Led Zeppelin, ça s'appelle Rock and Roll. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. On est ensemble donc jusqu'à 21h. Le groupe Présence, donc, avec une superbe reprise de Led Zeppelin, Rock and Roll. Cet album, donc, de Présence s'appelait Rock Your Life. Il était sorti en 1986 et il avait été réédité en CD en 2015 avec des bonus. Voici un autre groupe français, c'est Satan Jokers. Ça s'appelle Pas Fréquentable et c'est extrait, donc, de leur deuxième album qui s'intitulait Trop Fou Pour Toi. Il était sorti en 1984. Le groupe français Satan Jokers, donc à l'instant avec pas fréquentable, décidément j'ai du mal avec ce mot. On va attaquer avec un autre groupe français, il s'appelle Warning et ce morceau s'intitule Ciné-Regard. C'était extrait de leur premier album qui s'appelait également Warning, qui était sorti en 1981. Cherche à devenir scénariste, mais t'avances en rock en style. Voilà donc, c'était le groupe Warning, Warning, extrait de leur premier album, et ce morceau s'intitulait Ciné-Regard. On va continuer dans le français, le groupe s'appelle Fisk, c'est extrait de leur quatrième album intitulé And the Wild Car, il est sorti en 1988, et ce morceau s'intitule Live It Up. Ah, il y avait de très bons groupes français dans les années 80, le groupe Fisk avec Live It Up. On va poursuivre dans le français, le groupe Vulcain donc, et ce morceau s'intitule Ebony, c'est extrait de leur premier album Rock and Roll Secours qui est sorti en 1984. Ils ont souvent été comparés à du Motorhead français, donc le groupe Vulcain avec Ebony. Voici un autre groupe français, il s'appelle H-Bomb et ce morceau s'intitule Gwendoline. C'est extrait de l'album Attack qui est sorti en 1984. À l'instant donc, le groupe H-Bomb avec Gwendoline. Je vous rappelle donc que vous êtes à l'écoute de Radio Heavy Metal. C'est le Metal Express, c'est un spécial Metal 80, comme chaque premier lundi du mois. On va continuer donc dans le français avec High Power, et ce morceau s'intitule Ode à la vie. C'est extrait de leur premier album qu'ils avaient intitulé également High Power, et il est sorti en 1983. Voilà, donc le groupe s'appelle High Power et ce morceau qu'on a écouté, Ode à la vie. Je reçois pas mal de messages et on me dit encore et encore du français. Ben voici du français encore, ça s'appelle Attentat Rock, ça s'appelle Guerrier de la Nuit, c'est extrait de l'album Le Gang des Seigneurs. Allez, on écoute ça. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, on poursuit toujours dans le français. Voici Océan, ce morceau s'intitule Menteur. Cet extrait de l'album Je suis mort de rire, c'est sorti en 1980. Voilà donc le groupe français Océan avec Menteur. Voici un autre groupe français, c'est Blasphème et ce morceau s'intitule Seul. C'est extrait de l'album Désir de Vampire et il est sorti en 1985. Allez, bonne écoute. Yeah. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, donc c'est Eric avec vous, donc dans le Metal Express, et on est ensemble jusqu'à 21h. À l'instant, c'était Blasphème avec le morceau Seul. Voici maintenant ADX, cet extrait de l'album La Terreur, sorti en 1986, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Marquise du Mal. Bonne écoute. Pour certains, tu es le génie. Le groupe français ADX avec Marquise du Mal, donc à l'instant dans le Metal Express. On va maintenant attaquer avec un autre groupe français, le groupe Sortilège, et ce morceau s'intitule Progéniture. C'est extrait d'un EP qui s'intitule Sortilège, il était sorti en 1983-1986. Voix en or de Didier Augustin, dit Zouille donc, le groupe Sortilège avec Progéniture. Voici maintenant Checking Street, ça s'appelle Vampire Rock. Bienvenue à l'écoute de Radio Heavy Metal et vous êtes dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Yeah! du très bon hard rock des années 80, ça s'appelle Checking Street. C'était extrait donc du... J'ai pas l'album. Ce morceau s'intitule tout simplement Vampire Rock. Je vous donnerai plus tard le nom de l'album, je l'ai pas sous les yeux. On va toujours continuer dans le français, ça s'intitule, le groupe s'intitule pardon, Fisk, on va les retrouver, et ça s'appelle Rock Me Still the Night, suivi derrière de Océan avec À Force de Gueuler. Allez, bonne écoute. Donc c'était Fisk avec Rock Me Still the Night. J'ai eu un message à l'instant donc de Patrice de Cambrai et donc il m'a donné le nom de l'album de Checking Street qui s'appelait tout simplement Vampire Rock, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Voici donc maintenant Océan avec À Force de Gueuler. I'm Le groupe français Océan, donc, avec le morceau « À force de gueuler », cet extrait, donc, de l'album Océan, tout simplement, et il est sorti en 1981. Voilà, après 1h05 de groupe français, on va s'attaquer un peu au gros morceau. Maintenant, voici Judas Priest. Ça s'appelle « Fire Burning », suivi de Scorpion, avec « Big City Nights ». Bonne écoute dans le Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, dans l'ordre, on a eu Judas Priest avec Fire Burning, sorti en 1984, extrait de l'album Defender of the Faith. Et puis à l'instant, les Scorpions avec Big City Night, extrait de l'album Love After Sting, qui est sorti en 1984. Allez, voici maintenant Iron Maiden, ça s'appelle 2 Minutes to Midnight. C'est extrait de l'album Power Slave, sorti en 1984. Bloody tree. Iron Maiden avec 2 Minutes to Midnight. Voici maintenant Twisted Sister, ça s'appelle Stay Angry. Bonne écoute. C'est également le nom de l'album, le groupe Twisted Sister. Voici maintenant Motorhead et on écoute le morceau Overkill. Screaming with the ground. Le grand Lemmy Kilmister, donc, avec son groupe Motörhead, avec Overkill, c'était sorti en 1979. Voici maintenant Giant, c'est un groupe américain, et ce morceau qui s'intitule Check Me Up. C'était leur premier album, donc le groupe américain Giant avec le morceau Check Me Up. C'est extrait donc de leur premier album intitulé Last of the Rhinoways. Je vais y arriver. C'est sorti donc en 1989. Allez, après Giant, on va s'écouter les Allemands de Accept. Ce morceau s'intitule Restless and Wild. Bonne écoute. We'll be right back. Voilà, donc c'était le groupe allemand Accept avec Restless and Wild. Ce morceau donc est sorti en 1982. L'album également s'appelle Restless and Wild. Voici maintenant Saxon. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Motorcycle Man. Je vais y arriver décidément ce soir. J'ai du mal. Groupe Saxon avec Motorcycle Man. Figurez-vous que cet album Wheels of Steel est sorti le 5 mai donc 80. Il a donc 39 ans. Il a eu 39 ans hier, cet album. C'est pas rien, ça date quand même. Voici maintenant deux autres groupes français à l'affilée. On va commencer avec Island Queen avec Living After Midnight, suivi de Lawlessness avec Again a Pen. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est le spécial Metal 80. Child got away. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà, donc c'était Lawlessness avec Again Pain. Et juste avant, on a eu Island Queen, voilà, avec Living After Midnight. C'était sorti en 1986. Voici maintenant Mystery Blue et le morceau qu'on va écouter s'appelle Rock and Roll Heroes. C'est extrait de l'album Mystery Blue et c'est sorti en 1984. donc, c'était Mystery Blue avec le morceau Rock'n'Roll Heroes. Voici maintenant Squealer, ce sont des Nantais. Le morceau qu'on va écouter s'appelle The Light of the Down. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. Thank you. Voilà, donc l'émission touche à sa fin, malheureusement. Et oui, il y a une fin à tout, évidemment. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi, donc de 19h à 21h, pour un nouveau Metal Express. Je vous rappelle donc que Radio Heavy Metal a son site officiel, c'est le https://radioheavymetal.site. Il y a également, si vous voulez, le livre d'or, si vous laissez un petit commentaire, vous n'hésitez pas. Vous écrivez ce que vous voulez. Si vous dites que l'émission est bien, et ben c'est bien. Si vous dites que c'est moche, et ben c'est moche. Voilà, tout simplement. Demain matin, donc, il y aura le podcast de l'émission sur la page Facebook Radio Heavy Metal et je la mettrai également sur archive.org. Voilà. Je vous rappelle, pour les fans de métal des années 80, demain il y aura Purgatoire avec Jeff pour son émission Purgatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est de 19h jusqu'à 20h. Jeff avec Purgatoire, c'est une heure de hard rock des années 80. N'oubliez pas que nous avons nos réseaux sociaux. Il y a donc Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne l'adresse mail si vous avez envie de m'écrire. C'est très simple. C'est radioheavymetal76@gmail.com. Voilà, bah écoutez, moi j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, 19h, 21h. Allez, ciao !